Jonabiso na katia monse kubosa ni ote yoka miloko tutimbeli yo oka Claudia woyo ngai nalinga nalingi yo mingi oyebi koyo kisanga iso nite molimu mwangai Bye. Aux yeux brillants dans la lune comme les étoiles.